ocean. Is their hope broke? Lots of trouble. Lots of bubble. He was in a jam. Rock Lobster, ce fut en 1979 le rock du homard, une bonne prise dans le casier des B-52s. Car le homard à la sauce américaine, c'est une recette très subtile. Si vous les faites cuire trop longtemps, ils se vident. Et donc vous vous retrouvez avec des homards où il n'y a plus rien dedans. Je sais que beaucoup de personnes ici sont friands de homards, comme moi-même d'ailleurs, j'aime bien les homards. Mais il faut les cuire, à point, juste ce qu'il faut. Eh bien, vois-tu, à 11h11, nous sommes à point, juste ce qu'il faut, pour nous vautrer confortablement afin d'ouvrir ce 177e épisode du Mangin Palace et amorcer ensemble nos modestes péripéties laïques, puisqu'il est l'heure de notre petite session freudienne. Et ce matin, Monsieur Divan Beaujolais a cherché à savoir quels peuvent être désormais les modèles tutélaires de Xavier Bertrand, le patron de l'UMP. Et oui, car franchement, ces derniers jours, c'est un peu la déconfiture des grandes figures gaullistes. 18 mois avec sursis requis contre Villepin, un an ferme pour Pasqua et Chirac renvoyé devant le tribunal correctionnel. Alors du coup, découvrons quels peuvent être à présent les nouveaux héros de Xavier Bertrand. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas très connu parce que nouvelle élue députée, mais vous étiez déjà conseiller municipal de Saint-Quentin, je crois, dans l'Aisne, c'est à 24 ans, très jeune. C'est ça. Alors, j'ai un programme. Et vous n'en savez peut-être rien, mais je suis une machine. Vous avez qui comme héros de la vraie vie, Xavier Bertrand ? Zoltan ! Dans les héros de la vraie vie, si on reste un petit peu dans le domaine politique, c'est pas à lui que je faisais allusion à l'instant, je trouve que quelqu'un comme René Monory... Qui ça ? Oh merde, je m'en souviens plus. Pour ce qu'il a su faire en tant qu'élu, à savoir faire vivre une idée. Je vous demande pardon. Faire vivre une idée, je pense notamment au parc du Futuroscope. C'est vraiment impressionnant, il n'y a pas à dire. Vous avez un projet à cette hauteur, par exemple, vous ? Non. Tu m'as déjà vu m'imposer ? Non, vous savez, quand vous avez une idée, quand vous êtes capable de la faire passer au stade de projet, et surtout quand le projet devient réalité, là vous êtes heureux. Quelle joie, chers auditeurs, quelle joie ! Alors, Xavier Bertrand... Vous avez élu, jadis, sans doute quand vous étiez enfant, des personnages de fiction, lesquels ? Oh, en héros, même si ça peut surprendre, j'ai toujours été passionné par le personnage de Robin des Bois. Drôle, hein ? Alors vous allez me dire, Robin des Bois, vu votre positionnement politique, celui qui oui. Vole aux riches pour donner aux pauvres, mais c'est pas ça. Celle-là, en revanche, on ne l'avait jamais faite. Hein. C'est quelqu'un qui se bat contre un ordre établi, c'est quelqu'un, Robin des Bois, qui, à mon sens, est plus un résistant qu'autre chose. Ah. C'est surtout quelqu'un qui, justement, permet l'avènement de celui à qui on a pillé son trône. Zoltan ! Char Cœur de Lion. Pardon, je m'en mêle dans les dates. Vous avez un anti-modèle dans la fiction ? Oui, dans la fiction, he's no good. Vous savez, celui qui veut être calife à la place du calife. Attends, regarde-moi dans les yeux. Mais je crois qu'he's no good qui cherche avant tout à renverser pour renverser, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il peut y arriver, le pauvre he's no good. Oh, bien sûr que non. C'est tout simplement en agissant, en réalisant, mais pas seulement en essayant par des petites manœuvres ou par des grands stratagèmes qu'on peut réussir à devenir calife à la place du calife. Ok, oui. Donc même si c'est très surprenant, je ne crois pas que la politique puisse se nourrir de l'exemple d'he's no good et je ne pense pas qu'he's no good puisse être un modèle. Vous êtes vraiment des gens agréables, hein ? Ce qui me choque dans les comportements récents qu'on a pu observer, c'est surtout le fait d'être persuadé d'avoir raison et de ne plus écouter personne. Je ne saurais trop vous conseiller cette fois-ci de marcher sur des œufs. Je crois que c'est le fait d'être complètement autiste, de ne plus rien écouter, d'être persuadé d'avoir raison. Ça en est trop, il exagère, il est fou. Je crois qu'un héros ou un zéro a certainement une certaine conception de sa personne qui lui permet de faire des choses, d'aller au bout d'une démarche, mais ça ne doit pas empêcher à un moment ou à un autre d'écouter, de savoir écouter. Pourquoi ? C'est qui ? On ne souffle pas. Sur un dossier hélas politique, je pense à Martine Aubry. T'avais pas pensé à ça? Sur le dossier des 35 heures, je dis bien sur le dossier des 35 heures uniquement. Excusez-moi, je vous demande patron. C'est une ministre qui impose ses vues. Xavier Bertrand, nouvelle élue de la majorité, je vous remercie. On le gave et après on le raccompagne jusqu'à sa voiture, d'accord? On le gave et on le raccompagne jusqu'à sa voiture. C'est une jolie formule qui pourrait également s'appliquer à l'ogre Jacques Chirac en ses jeunes années, dont les mémoires, justement, seront disponibles dès jeudi prochain en librairie. Mais ce matin, nous aimerions tout de même apporter quelques mises au point à ce récit très personnel, juste au cas où certains épisodes essentiels auraient été malencontreusement oubliés par l'auteur. Alors, bien entendu, les grandes étapes de sa vie seront racontées en large et en travers par président Chirac. Et d'ailleurs, il n'est pas question pour nous de remettre en cause l'intégralité du tome 1 de cette autobiographie. Tiens, par exemple, nous sommes persuadés que tout le début est parfaitement conforme à la réalité. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris, mais ses racines plongent au centre de la France, en Corrèze. À mi-chemin entre Messac et Beaulieu-sur-Dordogne, dominant la vallée de la Sourdoire, Curemonte dresse son élégante silhouette. Mon père comme ma mère étaient enfants d'instituteurs, mes quatre grands-parents étaient instituteurs, ils étaient tous corréziens, tous. Son grand-père paternel, Louis Chirac, un colosse, est au début du XXe siècle un radical socialiste, bouffeur de curés. Abracadabrantesque, abracadabrantesque. Abracadabrantesque. Marie-Louise Chirac, la mère du petit Jacques, est une femme au foyer qui adule son fils unique. Abracadabrantesque. Marie-Louise dorlote le jeune garçon, l'appelle Jackie, le couvre littéralement. J'ai été un enfant plutôt gâté. Fils unique, oui, ce qui n'arrangeait rien. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'étais prioritaire. Ah, fais pas chier, Jacques. Bien. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Tu peux dévorer les premiers chapitres sans t'inquiéter, peinard. Tout est vrai. Bon, néanmoins, nous pensons qu'il faut ensuite très vite intervenir. À commencer par la timidité de Jacques Chirac. Car bien sûr, il va te raconter, Pépère, que dès sa jeunesse, il fut un homme pudique, paraît-il, limite coincé du bulbe. Ouais, enfin là, méfie-toi déjà, il suffit par exemple d'écouter Olivier Stirn. De quelques années son cadet, Olivier Stirn croise lui aussi Chirac à Sciences Po. C'est le début d'une amitié de 20 ans. Chirac, déjà à ce moment-là, il a toujours eu beaucoup de conquêtes féminines. Ça fait partie pour lui de la vie. J'en ai connu quelques-unes, mais disons qu'il y en avait trop pour qu'on ne s'y perde pas si on cherchait à les retrouver. Ça va, Jacques? Oui, ça va. T'es encore mis minable hier? Oui, on se dit. Ah, t'as la braguette titi, mon cochon. À quoi tu ressembles, Jacques? Je comprends pas. Ah, t'as vu comment t'es sapé? Regarde-moi ce truc jacquard, là. Va falloir tuner un peu tout ça. Les filles, aujourd'hui, elles rêvent de Cador, de bandits. Il faut me crapuliser un peu tout ça. Sors-moi un peu le paquet, bon sang. Pense à Tom Jones, quoi, c'est le printemps, hein? Oui. Soyons clairs, Chirac fut un serial fucker et il multiplia les conquêtes féminines jusqu'à décrocher ce gracieux sobriquet « 5 minutes, douche comprise ». Néanmoins, après des études aux États-Unis, il désire normaliser sa vie sentimentale. Mais sais-tu réellement ce qui a séduit Bernadette Chaudron de Courcelles chez Jacques Chirac? À son retour en France, à l'automne 1953, il décide de se fiancer avec Bernadette Chaudron de Courcelles, qu'il épouse le 17 mars 1956. Bon, je sais qu'il est un peu spécial, mais justement, c'est ce qui me plaît chez lui, tu vois. Il a des fringues complètement ringardes. Quand il mange, il mâche avec la bouche ouverte. C'est rare qu'il dise quelque chose de sensé, et je parie qu'il pète en plus. Alors c'est ça que tu recherches? Un pétomane? Non, je veux un homme, un vrai. Un homme, un vrai, un tatoué? Non, ça, on n'en sait rien. Toujours est-il que Jacques Chirac entame ensuite son ascension fulgurante. Ainsi, en 1962, après avoir réussi l'ENA, il entre dans les palais de la République comme chargé de mission au secrétariat général du gouvernement Pompidou. Mais le jeune homme veut aller plus loin et en 1967, il arrache le siège de député de la Corrèze. C'est alors que deux éminences grises du gaullisme décident d'en faire leur poulain. Mais là, comme Chirac s'est grave pouillé avec eux depuis, sois certain que dans ses mémoires, Chirac va sans doute minimiser leur rôle dans sa carrière. Oui, sauf que c'est bien Marie-France Garraud et Pierre Juillet qui lui ont tout appris. Moi, ce que j'adore, c'est quand il décroche son micro et qu'il avance sur le devant de la scène et qu'il... Vous voyez, il le balance comme ah, ça. Ah, c'est moi, c'est juste là, c'est mon idée, je lui ai filé. Non, si... je veux faire ça il y a des années. Oh, oui, c'est vrai, mais lui, il ne balançait pas d'une main à l'autre. Alors, il se tue plus, mais c'est moi, c'est mon truc quand je faisais du cabaret. Alors, c'est vous qui lui avez appris à balancer son micro d'une main à l'autre? Ah oui, je lui ai appris tout ce qu'il sait, oui, je fais sa mise en scène, je gère son budget, je m'occupe de ses costumes, de ses chansons. Enfin, et je... vous réglez sa vie privée? Oui, non, ah. Je veux dire, mon père, son âme, disait en affaires, soyez amical, mais jamais intime. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis son agent personnel. Je suis... Bref, quand on a dit personnel, on a tout dit. Le soir de la victoire, Chirac confie à Pierre Juillet « Comment pourrais-je vous exprimer ma reconnaissance pour votre perspicacité ?» Juillet, tirant sur sa pipe, c'est bien la première fois qu'un cheval remercie son jockey. Oui, il n'y a pas à tortiller. C'est grâce à Pierre Juillet que Chirac devient maire de Paris en 1977. Mais entre-temps, c'est aussi sur les conseils de Pierre Juillet et de Marie-France Garraud que Jacques Chirac va trahir l'authentique gaulliste Chaban-Delmas au profit de Giscard pendant la campagne présidentielle en 1974. Giscard dont il deviendra le Premier ministre durant 2 ans. Cela dit, soyons certains que dans ses mémoires-là, Chirac va nous raconter toute l'estime qu'il avait pour Chaban-Delmas et combien ils furent amis au final. Ouais, et ben là encore, le mieux... c'est d'écouter ce qu'en pensait Chaban-Delmas lui-même. Lorsque j'ai fait sa connaissance, ce qui m'a fasciné, c'était de voir comme la force était avec lui. Alors j'ai pris sur moi de commencer sa formation de Jedi. Je pensais pouvoir l'instruire aussi bien que l'aurait fait Yoda. Je me trompais. Il y a encore du bon en lui? C'est plus une machine qu'un homme, maintenant. Il est malhonnête et mauvais. Bon, ben voilà. Quand tu liras ses mémoires, n'oublie jamais que Chirac, c'est le côté obscur de la force. Ensuite, dans les années 80, Chirac va commencer par trahir Giscard. Et ça, c'est sans doute un chapitre très agréable à lire. Puis il devient à nouveau Premier ministre en 1986, pendant la première cohabitation sous Mitterrand. Bon, là c'est sûr, le bouquin doit être truffé de subjectivité sur cette période. Et notamment, il va te raconter que s'il s'est pris une raclée à la présidentielle de 1988, c'est parce que Mitterrand a refusé de signer les décrets d'application des merveilleuses réformes qu'avait entrepris le gouvernement Chirac pour sauver la France. Ouais. Enfin, certes, François Mitterrand fut un génial Machiavel, mais il suffit de se rappeler de cette campagne électorale de Chirac pour s'apercevoir que, dès le départ, c'était mal barré quand même. On a dans notre pays le pouvoir de changer de vie pour tous. Jacques Chirac, maintenant président. La France a besoin d'un homme de courage, de résolution. Bien, après cette débâcle de 1988, Chirac traverse le désert. Mais très vite, naturellement, ses mémoires vont plutôt s'attarder sur cette fantastique victoire du RPR aux législatives de 1993. Puis il nous décrira, à juste titre, la blessure de cette pathétique trahison de l'illusoire Édouard Balladur, son ami de 30 ans. Et là, tu arrives à la fin du tome 1. La suite en juin 2010. Cela dit, attention, parce qu'entre 1988 et 1995, il est à parier que président Chirac ne va pas se souvenir de cet épisode glorieux de 1991. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagnent environ 15 000 francs, et qui voit, sur le palier à côté de son HLM, entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une 20aine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Non, non, non, non, on ne comprend pas. Et c'était important tout de même de rappeler ce matin ce petit dérapage verbal. Bien. Alors nous avons essayé de corriger ici les mémoires de Jacques Chirac qui sortiront jeudi prochain. Il n'était pas nécessaire d'évoquer son inestimable opposition à la Seconde Guerre du Golfe, ni plus d'ailleurs que sa non moins louable position en faveur de l'abolition de la peine de mort, puisqu'il le fera bien mieux que nous. Mais, pour finir, nous avons tout de même noté ces derniers jours que certains de ses amis ont eux aussi souhaité enrichir les mémoires de président Chirac, et il semble que cet apport soit également essentiel pour une meilleure lecture. On commence par la promotion gigantesque des mémoires de Jacques Chirac. Elles ne sortent que dans une semaine, mais ses amis lui font déjà une publicité exceptionnelle. L'engolaguette, c'est Jacques Chirac. Pour Clairstream, je ne rendais compte qu'à un seul homme, Jacques Chirac. Et puis retournement dans la mort de Robert Boulin. Ce ministre de Valéry Giscard d'Estaing ne se serait pas suicidé, mais aurait été assassiné. On rappelle qu'il était à l'époque l'ennemi juré de Jacques Chirac. Excusez-moi, Larvor, mais vous faites quoi, là? Vous faites de la pub pour la sortie de vos mémoires, ça va être passionnant. Ouais. Le problème, c'est que c'est de la publicité mensongère. Hein. Rien de tout cela n'est dans mon livre. Ah bon? Vous parlez pas des affaires? Absolument pas. Et pourquoi? Tout simplement par amour de la tête de veau. Quel rapport? En prison, c'est très difficile d'en trouver. I like it when you dance. Dance for me, c'est la proposition coquine que te faisait le divin Prince lors de son show au Grand Palais à Paris il y a quelques jours. Et c'est certain, Prince, il reviendra. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira... Allez-vous coucher, j'arrive dans 3 heures. Alors maintenant, après nous être rafraîchi la mémoire sur la Chiracie, il est temps, à 11h29, de nous intéresser à d'autres mémoires, celles des Indiens d'Amérique. Car vois-tu, jeudi prochain, le 5 novembre, à Washington, Barack Obama a convié les chefs des tribus indiennes pour une conférence à la Maison-Blanche. Oui, chacune des 564 tribus amérindiennes pourra y être représentée. Alors, cette semaine, face à ces révélations, les voix des fantômes de la radiodiffusion française se sont réunies sous le tipi de l'INA pour fumer le calumet de la paix. Ainsi, écoute, ce que nous rapporte notre totem, le Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, Alina, nous étions méfiants, mais pas assez. Alors vendredi soir, quand une soi-disant tribu indienne s'est installée près de chez nous, on s'est précipité. Et là, où nous sommes près de la réserve des Indiens, la tribu des Wapiti, qui sont véritablement une chose assez extraordinaire, car tous leurs gestes, leurs costumes et leurs objets sont rigoureusement authentiques. Vous ne les voyez pas aujourd'hui, je pense qu'ils ont dû aller à la chasse. Oui, certainement. Forêt de Saint-Germain. On voit leurs chevaux derrière les bosquets, d'ailleurs. Ah oui. Heureusement, Robert Arnault était là, pour mettre le holà à cette mascarade. Les disques pour enfants, les westerns pour tous les âges, ont brossé un portrait caricatural de l'Indien insoumis, de l'Apache cruel, du Sioux emplumé, du Cheyenne orgueilleux, poussant leur you-you sauvage et déterrant la hache de guerre contre les gentils blancs qui ne recherchent que l'évolution de l'humanité. En assurant la pérennité de ce folklore, on oublie que les Indiens qui furent les premiers habitants de l'Amérique du Nord et qui ont régné jadis sur un territoire deux fois plus grand que l'Europe, sont en voie de disparition. Et là, soudain, au milieu de ces tipis de pacotille, on s'est demandé pourquoi les Européens avaient massacré les Indiens plutôt que de les réduire en esclavage, comme ils savaient si bien le faire. Les Indiens étaient absolument inutilisables pour les Européens qui arrivaient d'Europe. Parce que les Européens n'avaient aucun moyen de les saisir, comme ils l'ont fait en Amérique latine. En Amérique du Nord, les tribus indiennes étaient dispersés, il n'y avait aucun État centralisé véritablement dont on aurait pu prendre la place, et il n'y avait pas non plus entre les tribus de lien suffisant pour pouvoir, en dominant une, dominer les autres. On arrivait à réduire certaines tribus en servages, mais alors on était immédiatement attaqué par la tribu voisine. Et on n'avait jamais de sécurité, de l'emploi tout simplement, ces hommes n'étaient pas utilisables selon les critères européens. Touchés par ces mots, Marguerite Yourcenar, sous nos yeux, s'est métamorphosée. Me voilà dans mon beau costume d'hiver avec un manteau en peau de mouton. Et tenant à la main, c'est la seule chose qui me touche, tenant à la main une poupée qui a l'air scalpée. J'ai dû lui arracher les cheveux d'un seul coup. D'un commun accord, nous avons décidé que Marguerite serait notre grande chef. Jusqu'à nouvel ordre. Il y a une chose très importante. Il n'y a pas en réalité de chef à vie. C'est-à-dire qu'une personne peut être chef ou peut avoir une certaine autorité. Cette autorité pourrait durer toute la vie si cet Indien est très fort, mais elle peut durer qu'une journée. C'est-à-dire que des Indiens en général ne reconnaissent pas une personne comme étant un leader perpétuel. Et cela peut durer une semaine. Au bout d'une semaine, voilà, tu n'es plus chef, tu n'es plus leader. Et la personne en question s'efface sans problème. Et pendant que nous fumions le calumet de la paix, la civilisation de la consommation doucement s'effondrait. Télévision et calumet. Nous devons changer nos habitudes et surtout continuer plus que jamais à aider la recherche. Alors écrivez à l'Arc et envoyez des Sioux. Ah des Sioux à l'Arc. Oh, comme disent les Indiens pour saluer. Hugh Squaw. Et merci beaucoup Flora Bernard pour cette incursion ce dimanche chez les Comanches. Mais il est temps pour nous de quitter les grandes plaines pour rejoindre une autre tribu, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros-Boule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h34, il est temps bien sûr de rejoindre nos deux héros, parangons de l'identité grosboulaise, à savoir Jean-Claude, le sang impur, et Monique, abreuve nos sillons. Car cette semaine, en parents prévenants, ils ont été confrontés à une difficile question que leur a posée leur fils Rémi, c'est quoi être français ? Et oui, le gamin l'a bien compris. Après la lecture obligatoire de la lettre de Guy Moquet, Rémi s'attend maintenant à une interro surprise sur l'identité française. Bon, Jean-Claude a tout de suite rassuré son fiston. Il a déjà toutes les solutions au problème et, pour le lui prouver, Jean-Claude a emmené Rémi dans le petit village, là où il a passé son enfance, là où sont ses racines. Nous arrivons à notre village. Là, tu seras en sécurité. Il n'y a que des Gaulois. Oh, chic. Chic. Sois le bienvenu, frère. Chez nous, tu es chez toi. Toute la Gaule est occupée. Toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Eh oui, Jean-Claude pense avoir découvert le lieu idéal pour tenter de comprendre ce que peut être l'identité française. D'ailleurs, pour être en phase avec le débat national que lance notre gouvernement, Jean-Claude conduit directement Rémi devant celui qui doit détenir un élément de réponse à la question, le sous-préfet, évidemment. Et ce brave homme donne la recette du bon français avec un savant cocktail à base de figures tutélaires, d'un hymne national et d'une dose de drapeau à saluer. Oui, il faut tout ça. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des gossions leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Bien, en effet, c'est parti pour le débat national sur l'identité française. Au passage, que notre ministre de l'identité nationale ait mis plusieurs mois avant de se demander ce qu'est l'identité nationale, ça fait plutôt flipper. Mais se sentir français, c'est aimer la France, à condition que la France soit aimable et accueillante. Et c'est perdu dans ses réflexions que Jean-Claude a alors croisé un autre personnage de cet étrange village gaulois qui a voulu lui prouver par l'absurde combien il est dangereux de laisser aux mains du pouvoir la construction de l'identité nationale. À l'école, ce jour-là, notre maître avait passé la matinée à nous raconter un épisode fort intéressant de la vie de nos ancêtres les Gaulois. Un régal. La tribu des Gaulois, dirigée par Vercingétorix, vivait dans la plaine. Quelques kilomètres plus loin, c'était le village des Romains. Son chef César possédait une longue vue magique qui lui permettait de voir le monde entier. Si les Gaulois avaient su, ne serait pas resté dans la plaine. Si nos ancêtres, les bons Gaulois, avaient été malins comme nous. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient donc dans la plaine, ces sacrés Gaulois? Au lieu d'aller rapidement se cacher en Afrique. Ah ben oui, c'est facile de rigoler de l'identité française, se dit Jean-Claude. Tout en se rappelant que parfois, par le passé, flatter cette identité a conduit au nationalisme du plus guerrier au plus nauséabond. C'est alors que Rémi a répondu à son daron que l'identité française peut être vivace quand elle est portée en cœur. Résistance ? Et puis quoi encore ? Se dit Jean-Claude, qui s'imagine déjà conduite au poste pour atteinte à la sûreté de l'État. Et d'ailleurs, pour rentrer dans la droite ligne du débat national, Jean-Claude conseille à son fils Rémi de s'intéresser à des références incontestables. Pas de long discours aujourd'hui, pas de motion de censure, pas de dépôt de loi, ni même de discours de clôture, les fameux discours agricoles. Oui. Ah, c'est-à-dire que Tintin, maintenant, il faut que je parle des choses dans l'ordre. Je vais me faire tirer les oreilles. Oui. Les discours agricoles, avec un garçon qui a énormément de talent. Il est déjà venu une fois, l'année dernière. Je vous demande de l'encourager très fort. La France a un lien charnel avec son agriculture. J'ose le mot, avec sa terre. Le mot « terre » a une signification française. et je ne comprends pas qu'on puisse hésiter à prononcer ces mots « identité nationale française ». Mais personne n'hésite à prononcer le mot d'identité nationale française, explique alors Rémi à Jean-Claude. Ce qu'il faut observer, c'est l'utilisation qui est faite de cette notion, et aussi ce que l'on met derrière. Eh ben, pour aider son fils Rémi à y voir plus clair, Jean-Claude le conduit dans la forge du maréchal Ferrand du village. Un très vieux monsieur, ce maréchal. Ce n'est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît. N'espérez pas trop de l'État. Il ne peut donner que ce qu'il reçoit. Comptez pour le présent, sur vous-même, et pour l'avenir, sur les enfants que vous aurez élevés dans le sentiment du devoir. Ah ben oui, Rémi a bien compris que l'identité nationale, c'est comme certains pouvoirs magiques chez Harry Potter. Mal utilisé, ça fait de gros dégâts. D'autant que cette volonté de lisser l'identité dans le pays, de raboter les communautés et de supprimer toutes les diversités, ce n'est sans doute pas une solution au problème du moment, car ces questions d'identité traversent toute la société. La Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent, les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. Mon père a combattu Vichy et collaboration. Expert en faux papiers, sauve les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison. Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. Pas français, pas de récompense, pas de problème, il sauve la France. Se créer la censure, créer un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris. Et les répliques aussi, et le pays nous dit « Chante, chante, chante la France !» Eh oui, chanter la France, ça ne pose évidemment de problème à personne, se dit Rémi. Il faut juste chanter juste, avec justice, et donner aux valeurs de notre identité une réalité. Et surtout, sans fausse note, ni lapsus. Oh, et un, quoi ? D'autres ont été intégrés. Ensuite, il y a eu à la fois une immigration, non plus une invasion, qui n'est pas de lapsus sur le sujet. Une immigration. Bien. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h43, après avoir découvert cette curieuse confusion entre immigration et invasion dans la bouche d'Éric Besson, il est l'heure bien sûr désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans son dictionnaire imaginaire, le mot qui compte triple pour monsieur Julien Dugast, c'est « geôle ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a 10 jours, un homme âgé de 62 ans s'est suicidé à la maison d'arrêt de Fresnes, dans le Val-de-Marne, et que c'est le 4e suicide cette année dans cette prison. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi notre pays est devenu la honte européenne des pénitenciers, notre reporter est allé rendre visite à M. Pierre-Victor Tournier, criminologue et directeur de recherche au CNRS. Il est surtout une pointure dans la connaissance de la population carcérale. Ainsi, à l'heure où la simple dignité humaine semble s'être évadée des prisons françaises, découvrons juste après la virgule ce que signifie une geôle. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Une consonne, deux voyelles, JO. Une consonne, une voyelle, LE, JOLE. Alors moi, je botterai en touche, comme on dit. Quand vous me dites JOLE, j'entends écrou. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? L'écrou, dans notre pays, c'est l'opération, hein, qui est à la fois administrative, juridique et judiciaire, qui va permettre de statuer sur la mise en détention d'une personne. C'est pour la libération d'Abel Chémoul, prisonnier dans les geôles fascistes. La question essentielle se trouve au niveau des maisons d'arrêt, puisque là, vous avez à peu près la très grande majorité donc, des établissements, des maisons d'arrêt sont surpeuplées. Pour vous donner une simple idée en termes de chiffres, vous avez aujourd'hui environ 10 000 détenus en surnombre, c'est-à-dire 10 000 personnes qui sont dans ces établissements surpeuplés et qui n'ont pas de place. Nous allons continuer à sévir, hein. Dommage. C'est bien beau de construire des tôles privées, mais quand il n'y a pas de fric pour l'entretien, ça se dégrade. Hein. Mais c'est nous qui ramassons les plâtres, on n'est pas des chiens, quoi. Monsieur Bouvier, vous êtes ici pour payer les dommages que vous avez fait subir à la société. Mettez-vous ça dans le crâne. Pour moi, Géol, en France, ça veut dire, avant toute chose, en termes d'urgence politique, un lieu où un certain nombre de gens ne sont pas traités dignement, et je pense tout particulièrement à ces, alors j'espère qu'ils sont moins de 500, mais il y a encore quelques temps, ils étaient 500, je pense à ces 500 personnes, quelle que soit la gravité des faits pour lesquels ils sont poursuivis ou sanctionnés, qui sont traités de façon indigne, c'est-à-dire contraire aux valeurs de notre République. C'est avant tout cela, les géoles françaises. Pendant que je gâchais ma vie en prison, vous avez vécu une super vie chouette. On n'a rien vécu de génial, Fred, c'est vrai, je te jure. Me dis pas ça, je suis au courant de ce qui vous est arrivé. Mais pour moi, pas d'aventure magique de Noël avec une crotte qui parle. J'ai pas eu de combat contre une immense Barbara Streisand mécanique. Pas de voyage accidentel en Afghanistan pour Trent Boyett. Je crois qu'il y a une très grande responsabilité de la part du personnel politique. Que ce soit à gauche ou à droite, qui n'arrivent pas à faire comprendre à nos concitoyens, ou qui ne veulent pas faire comprendre à nos concitoyens que la sécurité des uns et des autres, pour être vraiment assurée, la sécurité qui est un droit tout à fait acceptable et réel, eh bien cette sécurité, elle ne peut pas être assurée de n'importe quelle façon. Et que pour qu'elle soit assurée, il faut bien sûr que délinquants et criminels soient poursuivis, soient certainement arrêtés, soient certainement sanctionnés, peut-être dans un certain nombre de cas incarcérés, mais que ça c'est le début de l'histoire et c'est pas la fin. Tous les objets que tu avais sur toi le jour où tu es arrivé ici vont être restitués. Un sachet de 8 crayons de couleur avec un taille-crayon, une paire de ciseaux en plastique à bout rond, une bille bleue, et un couteau à cran d'arrêt avec l'inscription « Mort au traître » sur la lame noire. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot « tic-tic-tic-tic-tic ». Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Bien, notons cependant que les prisons françaises vont peut-être constater une nette amélioration de leurs conditions de vie très bientôt. Eh oui, attends, vu les clients VIP qui s'annoncent aux portes du pénitencier, Villepin, 18 mois avec sursis, Pasqua, un enferme, et président Chirac renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les emplois fictifs de la mairie de Paris. Et ce n'est pas tout. Dans l'affaire de l'Angola Gates, là, Charles Pasqua a déclaré cette semaine que Chirac et Juppé étaient au courant de cette vente d'armes. Résumons cette affaire. Sont accusés par Charles Pasqua deux personnes ici présentes. D'un côté, Jacques Chirac, casier judiciaire vierge, aucune condamnation, 60 ans de carrière. Et de l'autre, le dénommé Juppé Alain, multirécidiviste, déjà condamné dans l'affaire des emplois fictifs, surnommé Frisco la belette dans le milieu. Qui croire ? Monsieur Juppé, hein ? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit ? N'allez quand même pas croire Frisco la belette ! Jacques, personne ne m'a jamais surnommé comme ça. Monsieur Chirac, si votre Premier ministre était au courant, vous l'étiez forcément ? Je ne savais rien d'Arvor. Je n'ai pas étudié un seul dossier en 12 ans de présidence. Ah, ça c'est pas faux. Vous passiez votre temps à déminer les affaires vous concernant. Oui, monsieur Chirac ? J'ai rien d'autre pour l'instant. Wenn ich fliege, gehe ich zu Fuß rund die ganze Welt. Und ich schwinge am Trapez von jedem Zirkuszelt. Selbst ein Sprung vom Eiffelturm erscheint mir nicht riskant. Was ich mir alles zutrau, das ist schon allerhand. Aber damit ist es nicht getan, weil ich so ja doch nicht glücklich werden kann. Es ist leicht auf dem Kopf zu stehen. aber schwer ohne die keine. Schnell zu gehen, es ist leicht in Bombay als bei dir für mich. Aber schwer ist ein Tag ohne dich. Ich nehme es im Tauchen selbst die Perlenfischern auf. Und ich überdauere selbst den längsten Dauerlauf. Mit dem Pfeil und Bogen jage ich den Jaguar, weil ich schon in der Schule zu allem fähig war. Doch was nützt es mir, dass ich so bin? Denn in Wirklichkeit hab ich nur dich im Sinn. Es ist leicht auf dem Kopf zu stehen, aber schwer ohne dich einen Schritt zu gehen. Es ist leicht in Bombay als Bakir für mich, aber schwer ist ein Tag ohne dich. Yoga hat beim Yogi ich mit viel Erfolg studiert. Darum weiß ich auch genau, wie man zufrieden wird. In Karate schlage ich einen Ziegelstein in zwei. Je größer, desto lieber, da ist gar nichts dabei. Aber alles ist ja nur ein Spiel. Denn du weißt, dass ich nur deine Liebe will. Es ist leicht auf den Kopf zu stehen, aber schwer ohne dich einen Schritt zu gehen. Es ist leicht in Bombay als Bakir für mich, aber schwer ist ein Tag ohne dich. Es ist leicht, auf dem Kopf zu chien. C'était Joe Dassin qui prenait en 1970 le chemin de Papa Schulz. Was ist das? Des topinambours, c'est évident. C'est du tabac! Vous me prenez pour un idiot? Scheiße Franzosen! Verflucht! Que se passe-t-il encore, Clouglis? Oui, vous l'avez énervé avec les responsabilités qu'il a. Vous êtes pas fins, vous les Allemands, hein? Alors maintenant, à 11h52, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Manche à Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Écoutez Philippe, c'est simple. Cette semaine, dans la presse, les gens sont soit pleins d'humour, soit pleins d'assiduité. Par exemple, le quotidien russe Komsomolskaya Pravda, j'ai travaillé, nous raconte la persévérance dans l'humour d'Irina Rybalko, une habitante de Novosibirsk en Sibérie. En 1992, lors de la fête de Pâques, Irina et son mari ont un tantinet titillé la vodka et Irina, dans la déconne, a planté un couteau dans le cœur de son cher et tendre, justement. Alors, elle a été condamnée à 4 années de prison et une fois libre, Irina s'est remariée. Elle a poignardé son deuxième mari et elle a écopé de 10 ans. Bon, à nouveau libre, elle s'est remariée et au nouvel an 2009, elle a planté son troisième mari. Voilà, donc elle vient tout juste d'être condamnée. Là, maintenant, il va falloir attendre 12 ans pour que le quatrième candidat se présente, voilà, pour les amateurs. Ah, oh, pardon, excusez-moi Philippe, une remarque d'une auditrice à côté de son poste. C'est Nafissa de Voiron qui vient de dire que c'est à peu près la même ambiance maintenant chez les anciens apparatchiks du RPR. Oui, oh, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, mais de tout ça, la presse californienne, elle s'en moque. Elle s'en moque parce qu'elle se régale des acrostiches du gouverneur Schwarzenegger. Ah. Oui, Schwarzy a envoyé une lettre à un député démocrate pour expliquer les raisons de son veto à l'extension des crédits pour le port de San Francisco. Mmh. Ouais, bon, pas très édifiant tout ça. Mais alors quand on lit verticalement les premières lettres de chaque ligne, on voit apparaître un magnifique « I fuck you ». Voilà, en gros, ça veut dire je t'enquiquine. À peu près. Ah, pardon, une remarque d'auditeur, encore une fois. C'est Thomas de Poligny, dans le Jura, qui dit que cette acrostiche californienne, ça ne vaut pas un casse-toi, pauvre con. Ça, c'est de l'identité française, monsieur. Oui, Philippe, je crois que Thomas a du mal à se remettre de la visite mardi dernier de notre président dans le Jura, où Nicolas Sarkozy a visité une ferme. Il a été très taquin avec les meumeux. Il a été très assidu à son plan de communication. En l'espace d'un discours, il a promis de sauver l'agriculture française. Il a créé la polémique en associant l'identité nationale à la terre. Et il a fait le buzz en recyclant un vieux discours. C'est pas trop top, ça, hein, quand la communication, c'est l'assise du pouvoir. Et cette semaine, le canard enchaîné sagesse de nous rappeler, comme ça, en passant, ce que signifie aujourd'hui une visite présidentielle à 20 agriculteurs dans une ferme complètement paumée du Jura. 4 escadrons de gendarmerie mobile et autant de CRS, eh oui, avec interdiction préfectorale de manifester. Alors, le canard enchaîné nous rapporte une petite phrase de Jean Estrosi, le ministre chargé de l'industrie, qui justement use beaucoup d'industrie pour montrer qu'il s'est flatté. Monsieur Estrosi a déclaré le 15 octobre dernier, lors de la visite de notre président à Gandrange, vous souvenez, ah, hein, oui. C'était les promesses tenues, c'était beau. Donc Estrosi a dit « Les seules manifestations qui ont lieu sont des manifestations de joie pour célébrer ce président qui redonne de l'espérance ». C'est beau, hein, la dévotion. Voilà, comme le disait La Bruyère, celui qui est plus esclave qu'un courtisan assidu, c'est un courtisan encore plus assidu. Voilà. À moins qu'Estrosi ait fait de l'humour. Hey. Et c'est possible, hein, parce qu'un tel déni de réalité, ça doit être de l'humour. Je vous le disais, Philippe, les gens sont taquins. Un autre exemple, le quotidien belge La Dernière Heure nous apprend que samedi dernier, dans une boutique de Maldegame, dans la province de Flandre orientale, un unijambiste a volé une chaussure. Voilà, c'est merveilleux. Alors, ah pardon, une remarque d'auditeur qui vient de dire à côté de son transistor qu'un unijambiste qui vole une chaussure, c'est quelqu'un de raisonnable. Mais c'est vrai. On est d'un coup loin des dépenses déraisonnables de la présidence française de l'Union européenne. La Cour des comptes a fait les comptes, justement. Elle critique les 170 millions d'euros avec un pic de 16 millions pour le sommet de l'Union pour la Méditerranée. C'est mal. Alors, cette assiduité à la polémique autour de notre président, ça doit faire baisser le taux de testostérone des militants UMP. Ah oui, c'est Libération qui nous dit ça. C'est important, hein. C'est une expérience d'avant-garde, comme seuls les Américains savent le faire. Le soir de la présidentielle 2008, des scientifiques ont mesuré le taux de testostérone sur 163 bonhommes. Bon, ils avaient tous à peu près le même taux, machin, tout c'est bien. Et puis ils se sont dit, on va remesurer le taux après l'annonce des résultats. Après l'annonce de la victoire d'Obama. Et alors là, pour les partisans de Mike Ken, le taux avait super chuté. L'horreur. Alors que pour ceux d'Obama, ça avait monté. Voilà, donc gagner une compétition de domination, ça fait monter la testostérone. C'est toujours bon de le savoir. Bon allez, Philippe, pour terminer, une dépêche de l'AFP qui nous apprend qu'au nord-est de l'Inde, les policiers sont des farceurs. Ils ont caché pendant 2 ans le corps d'un jeune homme sur le toit du commissariat. Voilà, ça peut donner des idées à d'autres. Ben en fait, oui, ça les encombrait, ce corps. Alors, ils l'ont mis sur le toit. Voilà. Pendant 2 ans, la famille venait réclamer le corps et on leur répondait que l'enquête suit son cours. Mais ses parents auraient dû se consoler sur Internet. Le Figaro nous apprend que le réseau social Facebook a autorisé la transformation du compte d'une personne décédée en profil mémoriel. C'est le temps des chrysanthèmes virtuelles. Mais Philippe, ne nous étendons pas sur Facebook, parce que moi, j'ai pas été très assidu au développement des réseaux sociaux sur le net, parce que j'ai longtemps cru que Facebook, d'ailleurs, c'était un bouquin cochon. Voilà, toutes ces nouvelles technologies me dépassent. Je viens d'ailleurs tout juste d'apprendre que les DVD Blu-ray, là, mais c'est pas des porno schtroumpfs. Merci, monsieur Maudy, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 177e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Manche à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Alors ce matin, je vais remercier dans l'ordre un ami précieux, Monsieur Mauduit. Merci aussi à Jérôme Chélius qui était aux platines, doublure de Marco Mutel. Assisté aujourd'hui à la technique de Lydwin Caron et d'Elisabeth Collet. Merci beaucoup à vous trois, c'était parfait. On remercie également Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais, Elsa Denac. Pour les scuds, Thierry Dupin, Olivier Lefayère, évidemment. Et Marion Cros, notre stagiaire qui nous quitte aujourd'hui et à qui nous souhaitons une bonne route. Voilà, la journée continue sur France Inter après le Flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Portez-vous bien, on se retrouve dès le week-end prochain, mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.